l'argent, j'adore l'argent, l'argent, l'argent, j'adore l'argent, l'argent, l'argent, j'adore l'argent, le blé, le blé, le blé, le pognon, le blé, le blé, le blé, le pognon. Avec mon astuce, vous allez devenir riche. C'est pas une arnaque, écoutez-moi bien. Avec mon truc, vous allez vous faire plein de fric. C'est pas une arnaque, écoutez-moi bien. Je vais vous dire mon secret. C'est pas une arnaque, écoutez-moi bien. Voilà ce qu'il faut faire pour gagner plein de fric. Pas travailler, pas travailler. Au lieu de rester sur le PC, pas bosser. Va travailler, va travailler. Au lieu de rester dans ton lit couché, va te bouger. Va travailler, va travailler. T'as qu'à bouger tes fesses, ton ennemi c'est la paresse. Va travailler, va travailler. Va travailler, fais néant, t'auras beaucoup d'argent. T'as qu'à bouger tes fesses, ton ennemi c'est la paresse. T'as qu'à bouger tes fesses, ton ennemi c'est la paresse. T'as qu'à bouger tes fesses, t'as qu'à bouger tes fesses. T'as qu'à bouger tes fesses, ton ennemi c'est la paresse. Y'a trop de jeunes de 18 ans qui sont bien trop fainéants que de se lever le matin pour aller au turbin. C'est trop facile d'être au chômage, c'est trop facile et c'est dommage. On devrait tout supprimer, ça permettrait d'en faire bouger.